إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوة الكرام نكمل بإذن الله تعالى هذه الرسالة وهذا الكتاب بعنوان أحكام مناسك الحج والعمرة وزيارة المسجد النبوي وزيارة المسجد النبوي للشيخ الإسلام أحمد ابن تيمية رحمه الله تعالى. Donc aujourd'hui, بإذن الله, nous terminons, et ce sera donc la fin de l'explication de ce livre, أحكام مناسك الحج والعمرة وزيارة المسجد النبوي, du grand cheikh de l'Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, rahmatan wasi'a. Donc, on s'était arrêté la dernière fois sur un sujet qui est très très important et que le Shir a développé et s'est élargi vu son importance et qui concerne ce que font beaucoup de gens comme innovation lorsqu'ils sont près des tombes, et plus précisément lorsqu'ils sont près de la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et également ce qu'ils font lorsqu'ils sont dans sa mosquée, et certaines croyances qu'ils ont et qui sont en réalité des croyances qui sont fausses. Le Shir a insisté sur la mise en garde de tout cela. Fayaqul, donc pour terminer ce qui était dit la dernière fois, وَقَدْ عَلِمُوا أَنَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لَوْ مِثْلُ أَجْرِ كُلِّ عَمَلٍ صَالِحٍ تَعْمَلُهُ أُمَّهُ فَإِنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَالْ مَنْ دَعَى إِلَى هُدَى فَلَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا وَهُوَ الَّذِي دَعَى أُمَّتَهُ إِلَى كُلِّ خَيْرٍ فكل خير يعمل أحد من الأمة فله مثل أجره فلم يكن صلى الله عليه وآله وسلم يحتاج إلى أن يهدى إليه ثواب الصلاة أو صدقة أو قراءة من أحد فإن له مثل أجر ما يعملونه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا وكل من كان له أطوع وأتبع كان أولى الناس به في الدنيا والآخرة قال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. Donc le Shir ici, il nous rappelle, en raison de ce que font certains visiteurs de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui est en réalité le résultat d'une croyance qu'ils ont, et qui se résume à donner comme présent, comme cadeau au prophète sallallahu alayhi wa sallam, la récompense d'une prière, ou alors le fruit d'une sadaqa, ou alors la récompense d'une lecture, etc. Donc il lit, ou alors il fait l'aumône, ou alors il prie, et la récompense qui est attribuée à cet acte-là, il la donne, il l'offre au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est la croyance de certaines personnes. Et c'est ce que font certains gens, malheureusement, de par leur ignorance, parmi les musulmans. Le Shir donc il va nous rappeler ici, que cela est batil, que cela est totalement faux. Et il va argumenter, bien entendu. Il dit, tous ont su que le prophète sallallahu alayhi wa sallam obtient la même récompense que toute personne parmi sa communauté qui va faire un acte de bien. Et il va nous rappeler le hadith qui dit lui-même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Man da'a ila huda, celui donc qui appelle à une guidance, c'est-à-dire un acte de bien, qui appelle à un acte de bien, lorsqu'il appelle à cet acte-là, فلو من الأجر مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. Ceux ensuite qui vont le suivre dans cet acte de bien, c'est-à-dire après qu'il aura appris cet acte, que les gens yamtathiruna bihi, c'est-à-dire qu'ils le suivent dans cet acte de bien et qu'ils à leur tour font cet acte-là, alors qu'est-ce qu'il advient à celui qui a appelé à ce bien-là? Il obtient la même récompense que leur récompense. Il obtient tout simplement leur récompense, sans même que cette récompense qu'ils ont eux obtenue en soit diminuée. Ça, c'est une bouchra, c'est une grande annonce du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour sa communauté. C'est-à-dire maintenant, lorsque tu apprends à quiconque, parmi ta famille, parmi tes proches, parmi tes voisins, parmi les musulmans, lorsque tu leur apprends une bonne action, un acte pieux, et qu'à leur tour donc ils le font, tu vas récolter la récompense qui est attribuée à l'acte qu'ils ont fait, sans même que leur récompense soit diminuée. Regardez, hadha al-khair. Si par exemple, à ton enfant, tu apprends à faire la prière, tu lui apprends à faire les ablutions, à chaque fois qu'il va faire les ablutions, tu en auras là une récompense. À chaque fois qu'il va prier, tu en auras une récompense, car tu lui as indiqué ce bien, tu lui as appris ce bien. Et ainsi de suite. Donc regardez le bien qui a été mis dans la da'wah, dans l'appel au bien. Ce hadith, bien entendu, qui est rapporté par l'imam Muslim, min hadith Abi Huraira, hadith authentique. Donc ça, c'est une grande motivation qui découle de ce hadith. Se motiver à appeler les gens au bien, à enseigner les gens l'acte pieux, la bonne action, la bonne œuvre. Et donc, si ce hadith, il est plus que clair au niveau de son sens, alors il faut savoir que celui qui a appris à la communauté musulmane tous les actes du bien, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui qui nous a transmis le message d'Allah azawajal. C'est lui qui a appris à toute la communauté comment on prie, comment on fait le pèlerinage, comment on fait l'aumône, qui nous a appris les règles de l'islam, etc. Donc tous ceux qui vont appliquer cela après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que ce soit les as-sahaba, ceux qui les ont suivis, at-tabi'in, ceux d'après eux, ceux qui sont venus après eux, at-ba' at-tabi'in, et ainsi de suite jusqu'à nos jours, tous les gens donc qui ont appris et qui ont mis en pratique, ils l'ont automatiquement appris du prophète, car c'est le premier qui a invité à cela. Donc c'est pour ça que le shir il dit, wa walladhi da'a ummatahu ila kulli khair, c'est lui qui a appelé sa communauté à tous les biens. Fa kullu khairin ya'maluhu ahadun min al-umma falaw mithl ajrihi. C'est-à-dire donc, par conséquent, tout bien qui va être accompli par une personne de sa communauté, quelle qu'elle soit, alors ce bien-là, il en aura la récompense, sallallahu alayhi wa sallam. فَلَمْ يَكُنْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَحْتَاجُ إِلَىٰ أَنْ يُهُدَىٰ إِلَيْهِ ثَوَابُ الصَّلَىٰ. C'est-à-dire donc que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas besoin qu'on lui donne en présent, en cadeau, la récompense d'une prière, ou alors d'une aumône, ou alors d'une lecture, qira'a. فَإِنَّ لَهُ مِثْلَ أَجْرِ مَا يَعْمِلُونَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا. Donc il a la même récompense, sans que leur récompense à eux soit diminuée. Ça donc c'est valable pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est valable également pour tous ceux qui sont venus après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, car ce hadith il est général. Ce hadith il est général. Mais le shir, il l'a cité ici, il l'a cité en tant qu'argumentation, pour prouver que ce que font certaines personnes, c'est batil, c'est complètement faux. Naam. Il faut savoir que ceux qui sont le plus en droit envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est ceux qui l'ont suivi. Tous ceux qui suivent le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ces gens-là, ce sont ceux qui sont les plus proches du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui sont le plus en droit d'affirmer qu'ils sont près du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car affirmer cela, il doit avoir des preuves. Cette affirmation a besoin de preuves. Et ces preuves, c'est tout simplement le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa croyance, dans ses actes, etc. Donc tous ceux qui vont suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce sont eux qui sont le plus proches de lui. Dans cette vie d'ici-bas également, fil akhira. Et il nous cite ce verset, le shir. قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُ إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي. Dis, ceci... Et ma voix, voici ma voix, j'appelle les gens à la religion d'Allah, moi et ceux qui me suivent. Moi et ceux qui me suivent, nous basant sur une preuve évidente. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a enseigné quelle était sa voix dans le prêche, dans la da'wah. Sa voix, elle est plus que claire. On la retrouve à travers la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui nous a laissé en héritage, qu'il a laissé en héritage à toute sa communauté, et qui est présente jusqu'à nos jours, où toute personne qui veut connaître la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans tel ou tel acte, il peut se renseigner auprès des savants qui sont les héritiers du prophète, ou alors avoir accès au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam d'après les livres de la sunna qui nous ont été laissés par les grands savants parmi les gens du hadith, ahlul hadith. Donc il n'a pas d'excuse par rapport à cela. La sunna est bel et bien présente. L'enseignement de cette sunna est bel et bien présent. Donc celui qui la veut, il l'obtient. Donc, هذه السبيل, cette voie-là, elle est présente. قُلْ هَذِي سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرًا. Donc cette da'wa qui est faite, cet appel à Allah Azza wa Jalla, à la religion d'Allah, elle se fait avec science, elle se fait avec des preuves évidentes qui sont prises bien entendu du Coran et de la sunna. Donc cette voie que tout le monde doit suivre parmi les prêcheurs, parmi les savants, parmi tous ceux qui sont engagés dans la da'wah, ils doivent suivre cette voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ne pas en dévier. Et donc, ceux qui ont suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans cette da'wah, ce sont ceux qui sont les plus proches d'Allah azza wa jalla, dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Et c'est pour ça également que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous rappelle dans ce hadith authentique, hadith qui est rapporté par les deux cheikhs, Al-Bukhari et Muslim, dans leur authentique, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam inna ala abi fulan laysu li bi awliya innama waliyyi Allahu wa salihul mu'minin innama waliyyi Allahu wa salihul mu'minin wa huwa awla bi kulli mu'minin min nafsihi wa huwa alwasitatu bayna Allahi wa bayna khalqihi fi tabligi amrihi wa nahyi wa wa'di wa wa'idi فالحلال ما حل له والحرام ما حرمه والدين ما شرعه والله هو المعبود المسؤول المستعان به. نعم. Donc le shir nous dit et nous rappelle ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit inna ala abi fulan laysu li bi awliya, c'est-à-dire certaines personnes de la famille de mon père, de la famille de mon père, ne sont pas considérées comme des proches de moi. Ici, le terme « awliya » que l'on traduit par « proche »,« al-wali ». Et « al-wali », on sait que c'est celui qui est le pieux. C'est celui qui est le pieux. « wal-muttaqi »,« at-taqi », »,« as-salih », »,« huwa al-wali ». C'est celui donc qui est considéré comme « wali », celui donc qui est pieux, celui qui est vertueux. Il nous dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ici, que certains de la famille de son père ne sont pas considérés comme proches de lui. « Awliya », au vu bien entendu de la religion. Et pourquoi cela? Parce que ce sont des gens qui sont loin de la religion, ou qui ne sont même pas musulmans. Donc ils ne sont pas considérés comme awliya, et même s'ils sont proches de par la filiation. Innama waliyyi, celui qui est proche de moi, Allahu wa salihul mu'minun, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, et les croyants vertueux. C'est Allah subhanahu wa ta'ala, et les croyants vertueux. Et comme nous le rappelle l'imam al-Nawawi, dans son charh de l'imam muslim, du sahih muslim, il nous dit « يعني فلان هي من بعض الرواة خشي أن يسميه فيترتب عليه مفسدة وفتنة إما في حق نفسي وإما في حقي وحق غيره فكان عنه. » C'est-à-dire ici, il n'y a pas eu la citation de celui qui est désigné directement. Mais ici, il était cité certains parmi la famille. Certains parmi la famille de mon père. Et l'important ici, dans ce hadith, c'est cette parole. Innama waliyyi Allahu wa salihul mu'minin. Wa ma'nahu. Le sens donc de cette parole. Innama waliyyi man kana salihan. Wa in ba'uda nasabuhu minni. C'est-à-dire celui qui est proche de moi, qui est considéré comme wali, qui est proche de moi, c'est celui qui est pieux. Et même si sa filiation est très loin de moi. وليس ولي من كان غير صالح وإن كان نسبه قريبا. Et celui qui n'est pas considéré comme proche de moi, comme wali, c'est celui donc qui n'est pas pieux, et même s'il est proche de moi dans la filiation. وهو أولى بكل مؤمن من نفسه. Le chéri nous dit donc que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a priorité sur tout croyant. Cette priorité qui est même au-dessus de la priorité que le musulman ou que le croyant a envers lui-même. Et cela est pris d'un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est rapporté par l'imam muslim, min hadith Jabir, et dont l'ordre huwa ana awla bi kulli mu'minin min nafsihi. Donc je suis plus en droit de tout croyant que lui-même. Et le sens ici, ana haqq, c'est-à-dire j'ai plus de droit sur le croyant que lui, il a de droit sur lui-même. Wa yaqul ash-shaykh wa huwa al-wasitatu bayna Allahi wa bayna khalqi fi tablighi amrihi wa nahyihi wa wa'dihi wa wa'idihi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est l'intermédiaire entre Allah et ses créatures dans ce qui concerne la transmission de ses obligations, de ses interdictions, de ses promesses, de ses menaces. فَالْحَلَالُ مَا حَلَّ لَهُ. Donc, le licite, c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a permis. وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَهُ. Et l'interdiction, c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit. وَالْدِينُ مَا شَرَعَهُ. Et la religion, c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a légiféré. Wallahu wal ma'bud al mas'ul al musta'an bih alladhi yukhafu wa yurja wa yatawakkal alayhi. Il nous dit le shir Allah subhanahu wa ta'ala, donc il nous a rappelé ici quelle était la fonction du prophète sallallahu alayhi wa sallam et son droit, et il nous rappelle ici ensuite quel est le droit d'Allah Azza wa Jalla envers ses créatures. Et un droit, bien entendu, qui est différent de celui du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ici, le shir donc va détailler. Et c'est un point qui est également important. Car si on parle de cela, c'est un point qui est essentiel dans la croyance. Et de faire la différence entre cela et cela. Et de connaître et de mettre chacun à sa place. Il nous dit, Wallahu al-ma'bud. Donc Allah Azza wa Jalla, c'est celui qui est adoré, comme Allah Azza wa Jal yaqul fa iyyaya fa'budun. Yani c'est moi uniquement que vous devez adorer. Al-mas'oul, c'est celui à qui on demande. C'est celui à qui on demande uniquement. On demande à qui? Lorsqu'on a besoin, lorsqu'on fait des invocations, lorsqu'on invoque Allah, lorsqu'on lui demande ce dont on a besoin, c'est à lui donc qu'on s'en remet uniquement. Ou al-mas'oul, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith qui est rapporté par l'imam Ahmed et d'autres, إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. Si tu demandes, alors demande à Allah Azza wa Jal. Si tu demandes, alors demande à Allah Azza wa Jal. Et si tu as besoin d'aide et donc tu demandes de l'aide, فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ, alors demande l'aide d'Allah Azza wa Jal. وَالْمُسْتَعَانُ بِهِ. الَّذِي يُخَافُ, c'est lui uniquement dont on a peur. وَيُرْجَى, et c'est lui uniquement dont on a l'espoir. Et c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal dit dans son Coran, Surat al-Isra, أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. Ceux qui l'invoquent cherchent même à qui mieux le moyen de se rapprocher le plus de leur Seigneur. Ils espèrent sa miséricorde. Donc ici on voit Ar-Raja, Yurja, c'est donc lui à qui on place notre espoir. C'est lui dont on a espoir. Et ils espèrent sa miséricorde. Et donc ici, naam. Et ils craignent son châtiment, ils ont peur de son châtiment. Naam. Wa yakhafuna 'adhabahu, ils ont peur donc de son châtiment. Ici donc, al-khawf. On va revenir donc pour ce qui est de al-khawf et quelles sont les différentes catégories de la peur. Wa yatawakkal 'alayh, et c'est à lui dont on se remet. C'est à lui à qui on remet toutes nos affaires, de la vie d'ici-bas et de l'au-delà. Ça c'est at-tawakkul. Ça c'est at-tawakkul. Ou al-irtimad 'ala Allah. C'est s'en remettre à Allah Azza wa Jal. Placer sa pleine confiance à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est at-tawakkul. Et le tawakkul, bien entendu, qui est obligatoire, farida, à la jami' al-ibad. Chaque personne, il doit avoir son tawakkul uniquement pour Allah et envers Allah Azza wa Jal. C'est-à-dire qu'il fait confiance et il s'en remet à Allah subhanahu wa ta'ala uniquement. Celui qui a un tawakkul pour un autre qu'Allah Azza wa Jal, celui-là, il est tombé dans le shirk. Pourquoi? Parce que tawakkul, ça fait partie bien entendu de l'ibada, de l'adoration. Et celui qui accomplit une adoration pour un autre qu'Allah Azza wa Jal, il est tombé dans le shirk même, dans l'associationnisme. Ayyadan billah. Et le shir, il va nous citer plusieurs versets après nous avoir cité ce qui était du droit d'Allah Azza wa Jal. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ فَجَعَلَ الطَّاعَةَ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ كَمَا قَالَ تَعَالَى مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَجَعَلَ الْخَشْيَةَ وَالتَّقْوَى لِلَّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ فَقَالَ تَعَالَى وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ. Donc, dans le premier verset qu'il a cité, le shir, et qui est le suivant, وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهُ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ. Ceux ou celui qui يُطِعَ, c'est ici الطَّاعَ, c'est celui donc qui obéit à Allah et son prophète. Donc on voit ici, comme le dit le shir, فَجَعَلَ الطَّاعَ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ. L'obéissance ici, elle a été donnée à Allah et son prophète. Elle a été donnée à Allah et son prophète. Et bien entendu, lorsqu'on dit Allah et son prophète, on sait que l'obéissance au prophète, يَتَبِعَ, elle est la conséquence de l'obéissance à Allah. L'obéissance au prophète, elle est la conséquence de l'obéissance à Allah Azza wa Jal. C'est pour ça qu'ici, الطَّاعَ, c'est un droit qui est Allah Azza wa Jal. Et qui ensuite a été transmis au prophète sallallahu alayhi wa sallam, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est celui qui transmet d'Allah. Donc, lorsqu'on obéit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est comme si on obéit à Allah. C'est comme si on obéit à Allah. Car Allah lui-même nous a ordonné d'obéir au prophète. Et que le prophète n'ordonne et n'interdit que parce qu'Allah Azza wa Jal lui a révélé. C'est pour ça, donc, que Ta'a ici, elle était annexée à Allah. Elle était annexée également au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par contre, pour ce qui est de Al-Khashya, et pour ce qui est de taqwa, elle était uniquement annexée à Allah, parce que c'est un droit qui est unique à Allah. C'est pour ça qu'il a dit ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, dans l'ensuite du verset, après avoir dit, وَمَا يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ. C'est-à-dire celui qui craint Allah, et celui qui est pieux envers Allah azawajal, qui a la peur d'Allah, qui a la crainte d'Allah azawajal, فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ. Ce sont eux les gagnants. Ce sont eux les gagnants. Donc, ici, il est plus que clair que lorsqu'on a parlé de l'adoration qui est ici relatée à travers Al-Khashya ou Al-Taqwa, ça a été uniquement cité pour Allah Azza wa Jal. C'est pour ça qu'il dit وَجَعَلَ الْخَشْيَ وَالْتَقْوَى لِلَّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِكَ لَهُ. Il a placé donc la Khashya, donc la crainte d'Allah Azza wa Jal, Al-Taqwa, la piété envers Allah Azza wa Jal, la crainte également, qu'on peut traduire de même, il l'a uniquement placé pour Allah Azza wa Jal unique, seul, sans même qu'il y ait un associé dans cela. Et c'est pour ça que dans l'autre verset, également, on retrouve de même. وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ. S'ils s'étaient contentés de ce qu'Allah leur avait donné, ainsi que son messager. Donc ici, comme il nous dit le shir, فَأَضَافَ الْإِيْتَاءِ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. Donc, la donation a été annexée ici à Allah et son prophète. Par contre, pour ce qui est de s'en remettre à Allah Azza wa Jal, وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ. Donc ici, le hasb, c'est uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc s'en remettre à Allah Azza wa Jal. وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ. C'est-à-dire Allah Azza wa Jal nous suffit, lui seul, subhanahu wa ta'ala. سَيُوتِينَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ. Et donc de même, pour ce qui est de la suite du verset, nous prouve que la donation est annexée à Allah et son prophète. Bientôt Allah nous accordera sa faveur, de même que son messager. C'est vers Allah que va tout notre désir. Et de même, dans ce verset, وَمَا أَتَاكُمَ الرَّسُولُ فَخُذُوا وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Donc de même, pour ce qui est du fait de prendre de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a apporté, c'est-à-dire avec tout ce qui est venu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la religion, on doit le prendre comme tel. Fakhudhu. Et ce qui nous a interdit dans la religion, alors on doit s'en abstenir. Prenez ce que le messager vous donne et ce que vous les interdit, abstenez-vous-en. Donc il nous dit le shir, فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَأْخُذَ إِلَّا مَا أَبَاحَ اللَّهُ وَرَسُولُ. Donc chaque personne doit prendre ce que Allah et son prophète lui ont rendu permis. وَإِنْ كَانَ اللَّهُ أَتَاهُ ذَلِكَ مِنْ جَهَةِ الْقُدْرَةِ وَالْمُلْكِ فَإِنَّهُ يُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ يَشَاءُ وَيَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ يَشَاءُ وَلِهَذَا كَانَ صلى الله عليه وسلم يقول في الاعتدال من الركوع وبعد السلام اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد أي من أتيت جدا وهو البخت والمال والملك فإنه لا ينجي منك إلا الإيمان والتقوى. Donc ici le shir nous rappelle que tout ce qu'Allah عز وجل a donné de par bien entendu sa puissance, Walmulk, sa royauté. Et bien entendu, il donne de cela à qui il veut, subhanahu wa ta'ala. Innahu yu'til mulka man yasha, wa yanzi'ul mulka mimman yasha. Allah Azza wa Jalla, il donne donc autorité à qui il veut. Et il enlève toute autorité à qui il veut, bien entendu, ici, sur cette terre. Et cette royauté, bien entendu, qui dépend de la royauté d'Allah Azza wa Jalla. Car c'est Allah Azza wa Jalla, min jihati al-qudra, qui donne donc cette autorité, qui donne ce pouvoir. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla, il dit, fi surat Ali Imran, il dit قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ. Dis ô mon Seigneur qui est le maître, le souverain de la royauté, مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ. Tu donnes donc l'autorité à qui tu veux, le pouvoir à qui tu veux, وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ. Et tu soustrais, tu enlèves l'autorité, le pouvoir à qui tu veux, subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça que وَلِهَذَا, c'est pour ça que le prophète Sosam il disait فِي الْاِعْتِدَالِ مِنَ الرُّكُوَعِ, lorsqu'il se relevait donc du recours, de l'inclinaison, وَبَعْدَ السَّلَامِ, et après donc également qu'il ait passé le salam durant la prière, donc le taslim, il disait cette dua que tout le monde connaît, اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَنْ أَعْتَيْتَ, c'est-à-dire ô mon Seigneur, personne ne peut empêcher que me parvienne ce que tu m'as donné, ou de ce que tu as donné. Voilà, mort et aliment manarta. Et personne ne pourra donner ce que tu as restreint, abstenu de donner ce que tu t'es abstenu de donner. Voilà, yanfa'u dhal jaddi minka jadd. Hey, et le shir nous explique donc cette dernière parole que l'on dit dans cette doua, c'est-à-dire que celui à qui tu as donné al jadd, ici qui est al mort, al mal, al mulk, qui est en fait un al-rina, que l'on traduit donc par la richesse, l'autorité, etc. فَإِنَّهُ لَا يُنْجِهِ مِنْكِ, c'est-à-dire Allah Azza wa Jalla, s'il donne l'autorité à une personne, s'il donne la richesse à une personne, cette richesse, cette autorité, مِنْ جِهَةِ الْقُدْرَةِ, qui vient de la part d'Allah Azza wa Jalla, cette autorité, cette richesse, etc., ne pourra jamais te sauver d'Allah Azza wa Jalla. Ne pourra jamais te sauver d'Allah subhanahu wa ta'ala, de son châtiment, l'au-delà, si tu n'as pas été parmi les pieux, si tu n'as pas été parmi ashab al-iman, ahl al-iman, si tu n'as pas fait partie des gens de la foi. Et il nous dit le shir, فَإِنَّهُ لَا يُنْجِي مِنْكْ إِلَّا الْإِيمَانُ وَالتَّقْوَى. Ce qui nous préserve de ton châtiment, c'est la foi, c'est la taqwa. Ça, c'est cela donc le sens de cette dernière parole que l'on retrouve dans cette dua. وَأَمَّا التوكل فعلى الله وحده والرغبة فإليه وحده كما قال تعالى وقالوا حسبنا الله ولم يقول ورسوله وقالوا إنا إلى الله راغبون ولم يقولوا هنا ورسوله كما قال في الإيتاء بل هذا نذير قوله فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Donc ici nous rappelle le shir que pour ce qui est de atawakkul, et également ar-raghba, qui est donc le désir que l'on a, le désir que l'on a envers Allah Azza wa Jalla, hadhihi ar-raghba, qui est en fait as-su'al wa talab, le fait donc de demander à Allah Azza wa Jalla, le fait de faire nos requêtes envers Allah subhanahu wa ta'ala, ar-raghba fa ilayhi wahda, ça c'est uniquement pour Allah Azza wa Jalla. car c'est une adoration. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla dans le Coran, il dit, comme il nous cite le shir, wa qalu hasbunallah. Ils ont dit, Allah nous suffit. Et le shir nous dit, il n'est pas dit dans le verset ici, wa qalu hasbunallah wa rasuluhu, et nous et le prophète. Non, uniquement Allah. Donc dans ce verset, wa qalu hasbunallah. De même dans l'autre verset, inna ilallahi raghibun. Inna ilallahi raghibun. Nous désirons nous rapprocher de notre Seigneur. Il n'a pas dit également ainsi, et de l'envoyer. Donc ça, c'est spécialement pour Allah, c'est le droit unique d'Allah Azzawajal. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici n'est pas associé. Abadan. Walam yaqulu huna wa rasuluhu kama qala fil ita. Donc de même pour ce qui est de ar-raghba, c'est uniquement pour Allah Azzawajal. Et le shir nous rappelle, contrairement à la donation, et ce qu'on a vu dans les versets avant, il n'a pas été cité wa rasuluhu, mais uniquement ici Allah. Uniquement Allah. Et donc ici, c'est dans le même sens du verset « فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ » Quand tu te libères, donc lève-toi et à ton Seigneur aspire, ar-raghba, et à ton Seigneur donc aspire. « وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ » Il dit cela, Allah subhanahu wa ta'ala, son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, « وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ » Et à ton Seigneur aspire. Donc ici « فَارْغَبْ » qui vient du terme, qui est le verbe, et qui vient du terme « ar-raghba ». وَقَالَ تَعَالَى الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعَ لَكُمْ فَخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ. وفي صحيح مسلم عن ابن عباس أنه قال حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ. Donc dans ce verset du Coran, Allah Azza wa Jal nous rappelle l'épreuve des croyants. Et lorsqu'ils ont dit, certains auxquels l'on disait les gens se sont rassemblés contre vous, craignez-les. Donc parmi les gens qui disaient aux compagnons, lorsque les gens s'étaient rassemblés pour les combattre, et ils disaient alladhina qala lahumun nas wa inna an-nas qad jama'a lakum, les gens se sont rassemblés donc pour vous combattre. Fakhshawhum, alors craignez-les. Qu'est-ce qui s'est passé pour les véritables croyants? Fazadahum imana, au contraire leur foi s'est accrue, cela a accru leur foi. Et ils dirent wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakeel, Allah nous suffit, il est notre meilleur garant. Allah nous suffit, il est notre meilleur garant. Ici, comme nous le rappelle le shir, que l'on retrouve dans l'authentique de l'imam al-Bukhari, cette parole de Ibn Abbas à propos de ce verset du Coran, Hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah nous suffit, il est notre meilleur garant. Il nous rappelle que cette parole a été dite par Ibrahim, Hina ulqiya fi nar, lorsqu'il a été jeté dans le feu par son peuple. Et elle a été dit également par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque les gens leur ont dit qu'ils étaient ils étaient réunis pour les combattre. Et Allah Azza wa Jalla dit dans son Coran, Ya ayyuhan nabiyyu hasbukallahu wa man ittaba'aka minal mu'minin, comme dans sourate Al-Anfal. Ay Allah wahdahu hasbuk wa hasbul mu'minin alladhina ittaba'uk. Wa man qala inna Allah wal mu'minin hasbuk faqad dhal bal qawluhu min jins al-kufr. Fa inna Allah wahdahu wa hasb kullu mu'minin wa hasb kullu mu'minin wal hasb wal kafi. كما قال تعالى أليس الله بكاف عبده كما في سورة الزمر qui est le verset 36. Donc ici il nous rappelle le shir que pour ce qui est de l'hasb, donc celui qui nous suffit c'est uniquement Allah Azza wa Jalla. C'est pour ça qu'il a dit dans ce verset يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. Ô toi le prophète, ô prophète, Allah et ceux des croyants qui te suivent te suffisent. Allah et ceux des croyants qui te suivent te suffisent. Donc ici, comme nous le rappelle le shir, Allah il suffit donc aux prophètes et aux croyants. Donc le terme ici, hasbukallah. Donc ici, al-hasb, celui qui suffit. Donc c'est uniquement Allah subhanahu wa ta'ala. Et il nous fait un rappel, on l'avait déjà vu cela, dans des cours précédents, d'une autre série. Je crois, l'âme fi min kunuz al-Qur'an al-Karim, que ceux qui ont dit et qui ont interprété le verset et qui ont dit que inna Allah wal mu'minin hasbuka, tu suffis à Allah et les croyants, faqad dal, il s'est bien entendu égaré. Et il nous dit même que cette parole, ça fait partie du kufr, min jins al kufr, ça fait partie donc de la mécréance, celui qui va dire et qui va comprendre une telle parole. Et bien entendu, le sens du verset ici, c'est qu'Allah azza wa jalla suffit aux messagers et suffit aux croyants. Et al hasb ou al kafi, donc al kafi, comme on dit, qui est celui qui est garant, que celui qui suffit, etc. Donc on se suffit uniquement de lui, d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme a dit Allah, alayhi sallahu bikafin abdaw. N'est-ce pas qu'Allah suffit à son prophète. Allah ne suffit-il pas à son esclave? Naam, à son esclave. Alayhisallahu bikafin abda. Allah ne suffit-il pas à son esclave? Ensuite, يقول ولله تعالى حق لا يشرك فيه مخلوق كالعبادات والإخلاص والتوكل والخوف والرجاء والحج والصلاة والزكاة والصيام والصدقة والرسول له حق. Donc il nous, ici le shir, il nous fait bien part de ce qui est propre au droit d'Allah et ce qui est propre au droit du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il nous dit, Allah azawajal, il a un droit. Et ce droit-là, personne parmi les créatures ne peut lui être associé. Quel qu'il soit. Que ce soit un ange rapproché. Que ce soit un prophète. Que ce soit un envoyé. Personne ne peut être associé dans ce droit qui est exclusif, qui est unique à Allah subhanahu wa ta'ala. Quelle ibadat, comme donc toutes les adorations, al-ibadat, toutes les adorations, ou al-ikhlas, bien entendu qui est la pureté d'intention, al-ikhlas, qui est bien entendu ifradullah ta'ala bit-ta'a, qui est donc unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans tout ce qui touche nos adorations, nos obéissances, et que seul Allah azza wa jalla, de par notre fort intérieur, de par notre cœur, il doit être donc adoré. At-tawakkul, comme on a dit, wal-khawf, wal-raja, el-khawf, également la peur, qui est uniquement Allah azza wa jalla. El-khawf ici, comme on l'a dit, elle est de quatre catégories. El-khawf, elle est de quatre catégories. La première catégorie, c'est ce qu'on appelle khawf al-sir. Khawf al-sir, qui est la peur, on va dire, qui est intime, une peur intime, ou alors une peur secrète. Une peur secrète. Khawf al-sir. Et si cette peur, elle est pour un autre qu'Allah, alors on est tombé dans le grand shirk. Iyadan billah. Comme la personne qui a peur d'un autre qu'Allah, qui a peur qu'il l'atteigne par une maladie, qu'il l'atteigne par une pauvreté, ou alors qu'il le tue. Et cela, bien entendu, de par sa puissance et de par sa volonté. Celui qui croit, ou celui qui a la peur, cette peur secrète qui se trouve dans le cœur, qui a la peur d'un autre qu'Allah, alors il est tombé dans le grand shirk. Et que cette peur-là soit ressentie envers cette créature de manière directe ou alors de manière indirecte, c'est-à-dire donc qu'il ait peur de cette créature bishafa'a, c'est-à-dire qu'il a peur que cette créature intercède auprès d'Allah azawajal et qu'il soit donc la cause de son malheur, qu'il ait donc la capacité de l'atteindre en faisant un shafa'a, l'intercession auprès d'Allah azawajal, qu'il ait la capacité donc de l'atteindre de par un malheur, de par une maladie, etc. Ou alors que ce soit directement, qu'il ait donc la peur directe que lui-même, sans même passer par Allah, subhanahu wa ta'ala, qu'il ait donc la capacité de l'atteindre par une maladie qui lui cause tort, malheur, etc. Ça, bien entendu, khawf sir, la peur secrète, ça va être uniquement, voué à Allah azawajal. C'est voué à un autre qu'Allah, c'est du grand politisme, shirk al-akbar, ayyadan billah. La deuxième catégorie de peur, c'est cette peur qui se traduit par le fait qu'une personne délaisse un acte de bien, que ce soit le jihad, le combat, ou alors l'amr bil ma'ruf wa nahy an al munkar, l'obligation ou l'ordre, ordonner le bien et réprimander le mal, sans une cause donc qui est valable, et uniquement à cause de la peur des gens. Hava muharram, ça c'est interdit. Que la personne délaisse ce qui lui incombe comme jihad, ou alors comme interdire un mal ou comme ordonner un bien, ou il le délaisse uniquement à cause de la peur qu'il ressent par rapport aux gens, par rapport à ce qu'ils vont dire, par rapport à ce qu'ils, leur réaction, etc. Fahada muharram, ça c'est interdit. Ça c'est strictement interdit. La personne ne doit pas avoir peur lorsqu'il va faire donc cet acte de bien des gens, de ce qu'on va dire les gens, et de ce qu'ils peuvent, de leur réaction. Al-Thalith, la troisième donc, c'est la peur de la menace d'Allah Azzawajal. Cette menace qu'il a citée dans le Coran et qu'il a citée à travers la langue du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ses hadiths sallallahu alayhi wa sallam. Cette peur-là, c'est une peur bien entendu qui est demandée. C'est une peur même qui est obligatoire et dont toute personne doit avoir peur. Tout croyant doit avoir peur. Il a la peur de quoi? Du châtiment d'Allah Azzawajal. Il a la peur de cette menace qu'elle devienne réelle contre lui. ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِ وَخَافَ وَعِيدِ. Et donc qui a eu peur de ma menace. وَهَذَا الْخَوْفِ مِنْ أَعْلَى مَرَاتِبَ الْإِيمَانِ. Cette peur-là, c'est ce qui représente le plus haut degré de la foi. Si la personne concrétise réellement cette peur, qu'elle a réellement peur du châtiment d'Allah Azzawajal, alors automatiquement elle va obtenir une foi qui est grande. Et ça va être le résultat de son écartement total de ce que Allah Azzawajal et son prophète ont interdit. C'est pour ça qu'il dit, Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah, هذا الخوف ما حجزك عن معاصي الله. Cette peur, c'est ce qui donc t'empêche et qui est comme un mur entre toi et les péchés. Et ensuite, la dernière catégorie, c'est al-khawf al-tabi'i. C'est-à-dire donc, la peur naturelle. Comme la personne qui a peur d'un ennemi. Ou alors qui a peur d'un animal sauvage. D'un animal féroce. Donc c'est une peur qui est naturelle. Et dont l'esclave, dont on ne lui fait pas compte à l'homme. Dont on n'en tient pas compte envers l'homme lorsqu'il est atteint de cette peur-là. Al-khawf al-tabi'i, la peur donc naturelle. Et à titre d'exemple, ce qui est cité dans le Coran, lorsque Moussa avait fui la ville, lorsqu'il avait tué une personne, et qu'Allah Azzawajal dit dans son Coran, fi surat al-Qasas, فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبْ. Donc il est sorti d'elle, de cette ville-là, خَائِفًا, il a peur. Donc il avait peur de qui? De l'adou, des ennemis qui voulaient donc le rattraper et le tuer. خَائِفًا يَتَرَقَّبْ. Donc il se retournait, il surveillait autour de lui. Il nous dit le shir également al-raja, donc l'espoir. Al-hajj wa salah wa zakah wa siyam wa sadaqa, donc tous les actes al-zahira, les actes apparents, qui sont le pèlerinage, qui sont la prière, qui sont l'aumône, qui sont le jeûne, qui sont l'impourrituel, etc. Tout cela donc c'est pour uniquement le droit d'Allah Azza wa Jal. Et par contre, pour ce qui est du droit du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le droit du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit wa rasul lahu haqq kal iman bihi, la foi en lui, la foi que c'est réellement l'envoyé d'Allah, wa ta'atihi, le suivre, wa ittiba' sunnatihi, et suivre donc ses sunnah, wa muwalati man yuwali wa mu'adat man yu'adi, et donc aimer ceux qui aiment le prophète sallallahu alayhi wa sallam et détester ceux qui détestent le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça fait partie des droits. Wa taqdimu fil mahabbati ala al-ahl wal mal wal nafs. Et donc le placer en priorité en ce qui concerne l'amour que la personne a, c'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a plus de droits d'être aimé que toute autre personne, même que ce soit la famille, que ce soit les biens ou que ce soit la propre personne. Sa propre personne. C'est-à-dire donc que l'homme, le croyant, le véritable croyant, c'est celui qui met en priorité l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il la met en priorité sur l'amour qu'il a envers sa famille, envers ses biens et envers sa propre personne. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Wallahi nafsi biyadi, la yu'min wahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladi wa walidi wa nasi ajma'in. C'est-à-dire par celui qui détient mon âme entre ses mains, personne ne croira parmi vous tant que je ne serai pas le plus aimé auprès de vous. Plus aimé que vos enfants, que votre enfant, que vos pères ou que votre père et des gens tout entiers, c'est-à-dire l'ensemble des gens. بَلْ يَجِبْ تَقْدِيمَ الْجِهَادَ الَّذِي أَمَرَ بِهِ عَلَى هَذَا كُلِّهِ كَمَا قَالَ تَعَالَى. Il nous dit le shir, il est même obligatoire de rendre le jihad, donc cette guerre sainte, prioritaire. Cette guerre sainte prioritaire sur toute chose. Cette guerre sainte dont on nous a ordonné, comme Allah Azza wa Jalla yaqul, قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. Dis, si vos pères, vos enfants, vos frères, vos épouses, vos clans, les biens que vous gagnez, le négoce dont vous craignez le déclin et les demeures que vous sont, qui vous sont agréables, sont plus chers qu'Allah, son messager et la lutte dans le sentier d'Allah, alors attendez qu'Allah fasse venir son ordre. Et Allah ne guide pas les gens pervers. وَبَسْتُ مَا فِي هَذَا الْمُخْتَصَرِ وَشَرْحُ مَذْكُورٌ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ. C'est-à-dire donc, ce qui a été cité ici, ça a déjà été développé dans d'autres endroits. وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَأَهْلِهِ وَصَحْبِهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Donc ici le Cheikh, il termine cette risala et donc ce livre concernant la jurisprudence du Hajj par cette dua. Allah Azza wa Jalla, il est le plus savant, et qu'Allah prie sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que sa famille et ses compagnons. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Et que la louange soit à Allah, le Seigneur des mondes. Donc on a terminé de par cela l'explication du livre Ahkam Manasik al-Hajj wal-Umrah wa Ziyarat al-Masjid al-Nabawi li Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.